Ouais, négro. Tu peux économiser la monnaie que tu veux dans ta putain de tirelire, t'entends? Pour la monnaie. T'en auras besoin bientôt. Ta peau de bronzée sur les plages de Miami, t'en as besoin, mon métis. Hein? T'as beau être champion de boxe thaï dans tes vidéos, gagner des prix ou participer à Star Academy, tes mouvements ne sont pas gangstèrement cotés. Ton rap sur les négros ne fait aucun effet. Demande à ta maman et ton frangin. Au moins Rob, lui, le fait pour vrai et fait son temps méditant et ne s'inquiète pas. Bismillah, hein? Allez, ouais. Pour l'amour, régularise ces négros. Appelle-moi Satan, Belzébuth, Lucifer ou l'homme blanc. Roi est notre cauchemar, mise en marché colossal. Ils veulent tous une partie de l'étoile. Tous ces pigistes français adorent le roi. Vos caméras dans mon visage et je performe. Le virus s'imprime sur ta HD pâle. Seulement 3 secondes et vous êtes capturé. Votre lentille en demande plus. Plus de vérité pour ces paparazzi. Assoiffé du roi, mais malgré cela, vous doutez de moi comme de Jésus-Christ. Avancez pourtant, posséder la foi. Faut en toi, fils de pute. Avec nous, il faut signer des papiers. Il faut me balancer ces billets européens. Demande à Romain Cavras, ce colon grec de Courtrage, mais avant que j'en contacte mes avocats, j'ai des avoirs dans la rue ou dans l'industrie. Gangster et gentleman, relation mafia. Tu n'es pas prêt pour cet esclave libéré. Israélite, arabe nazi, et je côtoie même les juifs. Et si j'étais français, j'aurais voté pour Nicolas Sarkozy. 5 pour mes accros à la drogue. 6 pour les trafiquants qui maintiennent l'approvisionnement. 7 pour ceux qui sortent de tôle et continuent leurs opérations. 8 pour le démon à moi qui vous fournit le roi Enoch. Hein? 5 pour mes accros à la drogue. 6 pour les trafiquants qui maintiennent l'approvisionnement. 7 pour ceux qui sortent de tôle et continuent leurs opérations. 8 pour le démon à moi qui vous fournit le roi Enoch. Hein? 1 pour